بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله on commence donc ce dernier cours en lequel on va clôturer ce séminaire. On est arrivé à la page 32. Inch'Allah. L'auteur qui dit, Rahimahullah. Et nous ne devons parler des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que de la meilleure des façons. C'est une obligation. Lorsque tu parles des compagnons, tu dois absolument faire attention de la manière dont tu parles. Il continue. Et nous devons délaisser les conflits qu'il y a eu entre eux. Et nous croyons que ce sont ceux qui méritent le plus qu'on leur trouve les meilleures excuses et que nous ayons les concernant les meilleures opinions que possible. Et donc, nous ne devons parler d'eux qu'en bien. Lorsqu'on parle des compagnons, on ne parle d'eux qu'en bien. Il est interdit de parler des compagnons en mal. Dans Al-Bukhari, selon Abu Sa'id Al-Khudri, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tasubbu ashabi » « N'insultez pas mes compagnons »« N'insultez pas mes compagnons »« Falaw anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa la nasifahu » Il dit « Si l'un d'entre vous dépense la montagne de Uhud en or, il n'atteindra pas le moud, juste les deux mains tendues, d'un de mes compagnons, et ni la moitié de cela. » Toi, tu dépenses la montagne de Uhud en or, ça ne vaut même pas la moitié de ce qu'un compagnon a dépensé. C'est un rang que Allah leur a accordé. C'est un rang que Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Il les a favorisés. Allah n'a pas choisi n'importe quoi. Allah n'a pas choisi n'importe qui pour accompagner le messager qu'il a envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ceux qui viennent après eux, tous ceux qui viennent après eux, tous ceux qui viennent après les compagnons, ils disent, ô Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous ainsi qu'à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ainsi qu'à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et donc ils invoquent pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne placent aucune rancœur dans nos cœurs contre les croyants. Ne placent aucune rancœur dans nos cœurs face aux croyants. Et donc il nous est obligatoire, barakallahu fikoum, d'avoir une bonne opinion des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de parler d'eux en bien. Dans le livre Al-Sharia, l'Il-Ajouri, il est rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit « La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Allah azza wa jalla amarana bil istighfar lahum, wa huwa ya'lamu annahum siyaqtatiloun. » Ibn Abbas, il dit, n'insultez pas les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, azza wa jal, nous a ordonné d'implorer le pardon pour eux, alors qu'ils savaient qu'ils allaient se combattre. Par rapport à la fitna qu'il y a eu entre les compagnons, hein, et qu'aujourd'hui certains vont utiliser cela pour critiquer certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné donc de faire leurs éloges, d'implorer le pardon pour eux, et ils savaient très bien ce qui allait se passer par la suite. Et donc nous devons parler d'eux en bien. C'est la meilleure Donc ce sont les, c'est la meilleure génération de cette communauté. Su'ila l'imam Ahmed rahimahullah amma shajara bayna Ali wa Muawiyah faqal tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. L'imam Ahmed rahimahullah, il fut interrogé concernant le conflit qu'il y a eu entre Ali et Muawiya. Ce conflit qui a entraîné le grand combat entre des compagnons. Il fut interrogé concernant ce conflit. Alors là, il a récité le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux-là sont donc une communauté qui est passée, c'est une génération qui est passée. Là, mais qu'est-ce que cette génération, elle a ce qu'elle a accompli. Et vous, vous avez ce que vous accomplissez. Et vous n'êtes pas interrogé concernant ce qu'ils ont fait. En gros, occupez-vous de vous. On s'occupe de nous. On n'a pas à rentrer dans le conflit qu'il y a eu entre eux. Allah, il a fait leurs éloges. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait leurs éloges. Comment est-ce qu'aujourd'hui, après ça, des gens vont se permettre de les critiquer? Et donc, il est interdit, barakallahu fikoum, d'insulter et de manquer de respect aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont contredit ce principe, ce sont Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, ils maudissent les compagnons du messager d'Allah. Et même, ils les taxent de mécrire. Pour eux, les compagnons ont mécru. Les compagnons du messager d'Allah ont mécru. Une grande partie. Ali fait partie des compagnons, ils n'ont pas que Kuffar. Ils n'ont pas que Kuffar à le bait. Les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rawafid. Voyez. Deux insulteurs, la majorité des compagnons. Et on a l'opposé, An-Nawasib. Et donc Ar-Rawafid, parmi leurs croyances, il y a le fait de dire que le prophète, le pénis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ira en enfer. Ils disent que le pénis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ira en enfer parce que le prophète a eu des rapports avec Aïcha et parce que pour eux Aïcha est une fornicatrice. Ils disent qu'ils ont un livre qui est meilleur que le Coran. Ils disent que Jibril s'est trompé lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que normalement il devait voir Ali. Donc l'auteur qui dit et l'obéissance aux imams des musulmans. On va aborder les sujets qui fâchent. S'il vous plaît, les frères, laissez-moi finir le séminaire. Donc, et l'obéissance aux imams des musulmans, ceux qui ont autorité sur eux, ainsi que leurs savants. Ça fait partie des principes des gens de la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans Surat al-Nisa, la quatrième surat, verset 59, « Ya ayyuha alladhina amanu » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'aux détenteurs de l'ordre du commandement parmi vous. Et donc, Oulul Amr, les détenteurs du commandement, les savants, elles nous disent, ce sont el-Umara wal-Ulama. Ce sont les gouverneurs ainsi que les savants. Dans le tafsir, tu retournes dans le tafsir, tu verras que ce sont les gouverneurs ainsi que les savants. Et ceci est le tafsir de Ibn Abbas. C'est le tafsir d'Ibn Abbas, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout d'abord, on va parler des ulémas. La disparition et la mort des savants est une cause de la propagation de l'ignorance et de la corruption et de l'innovation et du polythéisme et des égarements dans la communauté musulmane. La disparition des savants et la diminution des savants a de lourdes conséquences sur la communauté musulmane. Dans Sahihay, d'après Abdullah ibn Omar ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yakbidu l'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal walaki yakbidu l'ilma yikabdi l'ulama » Certes, Allah ne fait pas disparaître la science d'un coup en l'enlevant de la poitrine des hommes. Mais Allah fait disparaître la science par la mort des savants. « Hatta idha lam yubqi aliman » Jusqu'à ce qu'il ne laisse plus un savant. Alors à ce moment-là, les gens prendront des ignorants comme leaders. Alors ces gens-là seront interrogés. Ils vont émettre des fatwas, des avis juridiques sans science. Alors ils s'égareront et égareront les autres. Et donc la disparition des savants est un mal qui touche la communauté. Voilà pourquoi il est important qu'on profite de ces écrits. Là, on est en train de lire, mon cher frère, l'écrit d'un des grands savants de la communauté musulmane, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui est mort très tôt, qui est mort en... ...389 de l'Hégire. Et donc il est important, qu'on profite de leurs écrits et qu'on profite aussi des savants contemporains. On ne peut pas délaisser les ulémas. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de revenir vers les gens de science, de revenir vers eux. Et donc si seulement il renvoie cela, lorsqu'il y a un problème, si seulement il renvoie cela aux prophètes et à ceux qui ont le commandement parmi eux, alors ceux d'entre eux qui tirent les jugements, ils auraient su. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on retourne vers les savants, qu'on retourne vers les gens de science. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on retourne vers les gens de science, qu'on retourne vers les ulémas, qu'on ne les oublie pas, comme cela s'est passé pendant la période des révolutions. Pendant la période des révolutions, j'étais en Égypte, c'était choquant. Les ulémas qui disaient « pas de révolution, pas de révolution, pas de révolution ». Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qala Allah ta'ala, les ulama qui disaient non, et les gens qui disaient la révolution française, elle va marcher avec nous aussi. Allez, va dire ça au peuple syrien maintenant. Va dire ça au peuple libyen maintenant. Va leur dire, hein, tous ceux qui ont appelé aux révolutions, va dire, va voir les parents de ceux qui ont perdu leurs enfants. Va voir ceux qui ont perdu leurs enfants et leur dire « Désolé, on a appelé vos enfants à faire quelque chose et vous les avez perdus comme ça, etc. » Et donc oui, après, il faut assumer. Il faut assumer. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on respecte ce point important, le fait de revenir vers les gens de science. Et concernant les ahadiths, qui aborde le sujet l'obéissance des gouverneurs, justement, ces hadiths-là sont nombreux. Et c'est bizarre, attendez. Donc là, ici, on a Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui nous dit qu'il est obligatoire d'obéir aux gouverneurs. L'obéissance aux imams des musulmans, ceux qui ont autorité sur eux, ainsi que leurs savants. Les imams des musulmans, c'est-à-dire ce sont les gouverneurs. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ce n'est pas un savant du pétrole. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien critiquer. Dès que tu dis ça, ils te disent, ça va en Arabie Saoudite, ça va en Arabie Saoudite, ça va en Arabie Saoudite. Ibn Abi Zayd al-Qirawani, El Maghrebi, qui vient du Maghreb. Alors, par rapport au hadith, At-Tirmidhi, il cite dans son Jami, selon Al-Irbad ibn Sariya, que le messager, donc Al-Irbad ibn Sariya qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Usikum bi taqwa Allah. Je vous recommande la crainte d'Allah. Was-sam'i wa ta'a. Et je vous recommande le fait d'écouter et d'obéir. Wa in abdun habashiyun. Même si c'est un esclave habashi qui vous gouverne. Même si c'est un esclave qui vous gouverne. Celui qui a autorité, c'est fini. On obéit. On obéit. Oui. Là, on parle des musulmans, le gouverneur musulman. Allah Azza wa Jalla, il a précisé dans le verset Wa ulul amri minkum. Les détenteurs du commandement parmi vous. Et donc, il faut qu'ils soient musulmans. Il faut qu'ils soient musulmans. Dans Sahih Muslim, selon Hudhayfa. Ah, voilà, celui que je cherchais la dernière fois, Hudhayfa. Et donc, selon Hudhayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. Alors il dit صلى الله عليه وسلم il y aura après moi des hommes des imams, donc des gouverneurs, qui ne vont pas suivre ma guidée, qui ne suivront pas ma sunna. Et il y aura parmi eux des hommes dont leurs cœurs seront des cœurs de diables dans des corps d'hommes. Kultu, Hudhayfa. Hudhayfa dit, j'ai dit, كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ Il dit comment est-ce que je ferai au message d'Allah si il m'arrive cela, si j'ai un gouverneur qui est comme ça, qui un homme qui a un cœur de diable dans un corps d'homme, il suit pas la sunna. Parce que certains nous ont dit, à partir du moment où il ne juge pas par les lois d'Allah, tu as le droit de te rebeller contre lui. Taï. Question, celui qui ne suit pas la guidée, il ne suit pas la sunna, il a un cœur de diable. Il a dit qu'il ne suit pas la guidée, il a dit les deux. Il ne suit pas ma guidée, il ne suit pas ma sunna. Il appuie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il sort de l'islam ou pas? Non. Attends, tu vas voir. Et ensuite, le compagnon qui demande comment je fais. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam tasma wa tuti'a lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tu écoutes et tu obéis au gouverneur même s'il frappe ton dos et il prend ton argent. Même s'il frappe ton dos et il prend ton argent. La sagesse, et ça les gens ils n'ont pas compris. Ce gouverneur-là, il veut la dounia, il veut la dounia, il veut la dounia. Mais il te laisse pratiquer ton dîme. Laisse-le prendre sa dounia. Laisse-le prendre sa dounia. Il sera interrogé par rapport à cela. Non, les gens, ils veulent se rebeller contre le gouverneur. Pourquoi? Du roubs. Nous aussi, on veut du flous. Nous aussi, on veut de l'argent. Ça me rappelle quand j'étais en Égypte, quand je prenais un taxi. À chaque fois, je devais me battre avec les chauffeurs de taxi. Un débat du début à la fin, parce qu'ils veulent m'arnaquer. Je prends un taxi, tout le monde sait que de là à là, c'est 3 journées. Je monte, il me dit, c'est ça, Yachir. 9 journées, Yachir. Alors, je regarde, et je ne vais pas me laisser faire. Alors je débattais. Comment ça, 9 journées? Tout le monde paye 3 ici, c'est connu. Non, les gens ne payent pas 3, c'est 9. Je dis, regarde, on demande à tout le monde ici, etc. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Au bout d'un moment, il y en a un, j'étais fatigué ce jour-là. Il a commencé à parler sur le gouverneur de l'époque. Ah, il prend tout l'argent du pays, si, ça, ça, ça, ça. J'ai dit, mais il vient d'où le gouverneur? Le gouverneur, il vient d'où? Il vient du pays. Et donc, si dans le pays les gens sont pieux, le gouverneur, il sera comme eux. Inch'Allah. Si on essaie de nous arranger, nous, déjà, on commence par nous. Inch'Allah, on aura meilleur. Mais si nous, on vole dans tous les sens, chacun vole en fonction de ses capacités. Toi, tu es chauffeur de taxi, tu vas me voler 6 euros. Lui, le gouverneur, il peut prendre plus, il prend plus. Il s'est énervé, il ne voulait pas prendre mon argent après. Il m'a dit, non, je ne prends pas ton argent. Et donc, les frères, ces rébellions qu'il y a eu, la grande majorité, c'était des histoires d'argent. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur ça? Le prophète, il nous a interdit. Il nous a interdit. Les hadiths sont très nombreux sur ce sujet. Et ça encore, c'est un sujet d'unanimité. Mais la passion, c'est difficile. Et donc, il faut délaisser les passions. On délaisse les passions. Les gens qui veulent la dunya, laisse-les prendre la dunya. Toi, ton objectif, c'est l'au-delà. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Ubayd ibn Sabit qui dit بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. Nous avons porté allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم dans le fait d'écouter et d'obéir pour ce que nous aimons faire, ce que nous détestons, ce qui est facile et ce qui est difficile. On écoute en obéit. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Et ça continue. Et il dit: Wa asaratin alayna wa an la nunazi' al-amra ahlahu. Et même s'il y a du favoritisme contre nous. Parce que les gens disent: oui, les gouverneurs, ils font du favoritisme. Ils donnent l'argent à ses enfants. Ils donnent l'argent à sa famille et ils nous laissent dans la pauvreté. Les compagnons, ils ont porté allégeance sur ça. On écoute et on obéit, même s'il y a du favoritisme contre nous. Les frères, si on fait ça, c'est pas pour lui, si on fait ça, c'est pour Allah. Il faut arrêter de prendre des sujets mondains pour nous éloigner de ce que Allah nous a ordonné. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas lié à celui-là, mais c'est la même base. On prend un sujet mondain pour nous éloigner de ce qu'Allah nous a ordonné. Parfois, quand j'ai le temps, je vais voir certains qui ne viennent pas à la mosquée. Yahri, pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Viens à la mosquée, maintenant vous avez une grande mosquée, mashallah. Il y a de la place pour toi aussi, t'inquiète pas. Vous n'allez pas être serré. Alhamdulillah. Ah non, problème ci, problème ça, un tel m'a mal regardé. Et donc on prend un sujet mondain qu'on a eu avec une personne pour délaisser une obligation qu'Allah nous a donnée. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Et donc il faut qu'on fasse l'effort. Barakallahu fikoum. Allah nous a ordonné de faire quelque chose, on le fait. Ensuite, les problèmes des gens, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Tu viens à la mosquée, tu ne viens pas pour les gens. Quand tu obéis au gouverneur et que tu ne te rebelles pas contre lui, ce n'est pas pour le faire plaisir à lui, ce n'est pas parce que tu l'aimes. C'est pour le messager d'Allah. C'est parce que le messager d'Allah te l'a demandé. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'obéir. On obéit, c'est tout. On le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Dans Sunan Abi Daoud, Ibn Mas'ud, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sam'u wa at-ta'a 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ. J'ai dit quel livre? Abu Daoud. Dans, excusez-moi, Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, ici j'ai mal noté. J'ai noté Abu Daoud, c'est pas Abu Daoud, c'est le Bukhari, ce hadith. Dans Sahih al-Bukhari, selon Ibn Mas'ud, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est obligatoire à l'individu musulman d'écouter et d'obéir pour concernant ce qu'il aime, concernant ce qu'il déteste, tant qu'il ne lui est pas ordonné de faire un péché. Alors, s'il lui est ordonné de faire un péché, fais la sam'a wa la ta'a. Alors là, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Le gouverneur t'ordonne de faire une bêtise? Non. Non, là, non. Et donc, l'obéissance, elle est limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce qu'on fait cela pour Allah. On ne fait pas cela pour le gouverneur. Si tu fais ça pour le gouverneur, tu vas lui obéir dans tout ce qu'il te demande. Mais nous, on fait ça pour Allah. Et donc, on obéit tant qu'il nous ordonne de faire ce qui respecte la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui ont contredit ce principe des gens de la sunna, ce sont Al-Khawarij et tous ceux qui les ont suivis. Al-Khawarij, ainsi que tous ceux qui les ont suivis après cela. Tous ceux qui appellent aux rébellions, aux Mouzaharat, etc., etc. Le prophète il nous a dit, si on a un reproche à faire au gouverneur, on le fait entre nous et lui, en privé. Il n'y a pas de critique en public, parce que ça amène le désordre. Ça amène le désordre. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant les révolutions, pour ceux qui étaient tranquillement dans leur fauteuil, hein? Parce qu'il y a des gens, ils sont tranquilles dans leur fauteuil, ils regardent ce qui se passe à la télé et ils te disent il faut faire la révolution. La révolution, je l'ai vécue. Je l'ai vécue. Il n'y avait aucune sécurité. Il y avait des braquages dans tous les sens. Certains se sont fait agresser. Certains, leurs femmes se sont fait agresser. On était en cours. En cours chez un cheikh, sa femme, la femme d'un frère, elle l'appelle. Il y a des hommes qui essaient de rentrer dans la maison. Il nous prévient, on a couru. Il n'y avait plus de sécurité dans le pays. Et là, ils sont tranquilles derrière la télé, tranquilles. Oui, oui, rebellez-vous. Alhamdoulilah, on est content, les gens. Va, allez, va. Va, va à leur place. Va. Va. Allez, va vivre l'insécurité, les viols, les agressions, les braquages. Vas-y. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention à obéir. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il y en a, ils ont compris trop tard. Il y en a, ils ont compris trop tard. Et donc il faut faire très attention à ça, barakallahu fikoum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, et le suivi des pieux prédécesseurs, et le fait d'implorer le pardon pour eux, de délaisser la polémique et le débat dans la religion, ainsi que le fait de délaisser ce que les innovateurs ont innové. Et donc, il est obligatoire, parce qu'ici l'auteur, dans ce livre, il nous dit, il nous cite que ce qui est obligatoire, et ce n'est pas ce qui est recommandé. Il nous dit donc qu'il est obligatoire de suivre les pieux prédécesseurs, et le fait d'implorer le pardon pour eux, et de délaisser la polémique et les débats dans la religion, ainsi que le fait de délaisser les innovateurs, ainsi que de délaisser ce que les innovateurs ont innové. On délaisse les bidards. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sourate 4, le verset 115. Celui qui fait scission du prophète et qui suit une autre voie que celle après que la guidée lui fut accordée et qui suit une autre voie que celle donc des croyants, nous nous détournons de lui comme il s'est détourné et son refuge sera l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. سورة 9 التوبة le verset numéro 100. Les prédécesseurs, les premiers parmi les Muhajiroun et les Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. Et donc si tu veux le jardin, si tu veux le paradis éternel, si tu veux la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois suivre les compagnons, les premiers, les prédécesseurs parmi les Muhajiroun et les Ansar. Voilà pourquoi l'auteur nous dit ça. Il nous dit qu'il est obligatoire de les suivre. Parce que si tu veux aller au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que ceux qui vont au paradis, ce sont ceux qui les ont suivis. Dans Sahih, dans Jami' al-Tirmidhi, toujours selon les Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Innahu man ya'ish minkum fasiyara akhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Il dit à ses compagnons, il s'adresse à ses compagnons, il le dit: celui d'entre vous qui vivra après moi, celui d'entre vous qui aura une longue vie après moi, après ma mort, alors il verra beaucoup de divergences, des avis dans tous les sens, beaucoup de divergences. Ça, c'est la maladie. Quel est l'antidote? Alors il nous dit: accrochez-vous donc à ma sunna, ainsi que la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-en fermement. Accrochez-vous fermement à cela. Tamassakou biha wa abdu alayha bin nawajid, mordez-y à pleines dents. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, et méfiez-vous, prenez garde des inventions dans la religion. Prenez garde aux inventions dans la religion. Et ensuite il dit: wa kullu bid'atin dalala, et toute innovation est un égarement. Dans Sahih Muslim, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهده بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Dans Sahih Muslim, selon Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun prophète qu'Allah a envoyé avant moi sans qu'il y ait dans sa communauté des apôtres et des compagnons qui prenaient de sa sunna et qui suivaient son commandement. Puis il y a après eux de mauvaises générations qui diront ce qu'ils ne font pas. Ils prétendent suivre le prophète, mais ils ne le font pas. Ils diront ce qu'ils ne font pas. Et ils font ce qu'ils ne leur est pas demandé de faire. Ils vont faire des innovations. Ils font ce qu'ils ne leur est pas demandé de faire. Alors celui qui les combat par sa main est un croyant. À chaque fois que vous allez voir ça dans des textes, Comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui voit un mal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, alors qu'il le change avec sa main. Ici, ça c'est ceux qui ont l'autorité, le pouvoir. Le gouverneur. Moi, je ne vais pas aller, je vais prendre les affaires du frère. Le frère, il a quelque chose d'interdit dans son téléphone. Je ne vais pas aller, je prends son téléphone et je jette son téléphone. Je ne suis pas gouverneur. Moi, ce que je peux faire, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Ce qu'il dit, « Omen jahedahu bilisani ». Et donc, celui qui le combat par la langue. Et donc, il va donc combattre l'innovation, combattre les égarements. Il va montrer aux gens la vérité. L'étape d'en haut, ça c'est pour ceux qui ont l'autorité, qui peuvent mettre en prison, etc. Ça c'est eux. Ou alors, le père dans sa maison, il s'occupe de ses enfants, il peut mettre une punition, une sanction, etc., etc., etc. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la dernière étape, « وَمَنْ جَهَدَهُ بِقَلْبِ » et celui qui le combat par le cœur. Il n'a pas la capacité de le faire par la main, il n'a pas autorité. Il n'a pas la capacité de le faire par la langue. Il n'a pas les bagages. Et on l'empêche de parler. Alors par le cœur. Et il n'y a aucune part de la foi après cela. Et donc il est impératif au cher frère, barakallahu fikou, que on s'accroche à cette voie. Ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en avant qui ? Les compagnons. Il nous dit, aucun prophète avant lui n'a été envoyé sans qu'Allah ait placé avec lui des apôtres et des compagnons qui suivaient sa sunna et qui obéissaient à ses ordres, à ses commandements. Et ensuite, après eux, il y a de mauvaises générations. Et donc, il est important qu'on fasse attention à ce problème. Parce que ce problème a touché les communautés des autres prophètes. Mais il touche aussi la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il nous dit l'auteur qu'il faut qu'on suive les premières générations. C'est la base. C'est la base. Si tu veux bien comprendre ta religion. Et ensuite l'auteur qui finit en nous disant « Et qu'Allah comble d'éloge notre prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons, ses épouses et leur accorde le salut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. » Et j'en profite donc avant de vous laisser, avant la prière, juste de vous remercier à tous. Au début du séminaire, j'avais remercié spécifiquement les responsables de la mosquée, Cheikh Bakir, les responsables du bureau. Et aujourd'hui, je tenais à vous remercier à tous, parce que durant ce séminaire, et certains qui sont en voyage, qui viennent d'arriver, sont arrivés en plein séminaire, ils ont remarqué la même chose. Cette solidarité, cette fraternité, cette motivation que j'ai vue pendant ce séminaire et la participation, c'est quelque chose qui booste. Parce que parfois, quand tu es prêcheur, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les pays musulmans, j'étais tranquille. Tranquille, on était bien. Et donc, quand tu vas prêcher, là, il y a la difficulté de la da'wah. La difficulté de la da'wah. Et parfois, tu faiblis, tu peux dire, bon, allez, je prends mon billet d'avion, direction un pays musulman, allez, salam alaykoum. Mais lorsque tu vois, donc, tes frères qui sont là, qui avancent, tes frères qui sont motivés pour avancer, qui participent. Tu vois tes sœurs qui viennent, qui participent et qui avancent. Hein? Et aussi, donc, même l'entraide dans l'organisation, les repas, ceux qui ont préparé les repas, on les remercie grandement, nos frères, nos sœurs qui ont participé à cela. Jazakumullahu khairan jazak. Et c'est vraiment quelque chose qui motive pour recommencer. Pour recommencer, bi'idnillahi ta'ala, pour l'instant, il n'y a pas encore de date qui est définie, mais ça serait bien pendant Ramadan, à la fin de Ramadan, ou au début, on verra, inshallah ta'ala, avec les frères, avec tout le monde, on verra quel est le moment propice. Mais en tout cas, ce genre d'événements, ce sont des événements pour nous faire monter la foi, augmenter notre science, notre connaissance de notre religion et faire monter notre foi. Maintenant, vous avez avec vous un manuel que vous avez rempli. Et vous allez encore remplir, vous allez encore corriger des choses peut-être. N'hésitez pas à les faire réviser entre vous. Contactez-vous, viens, on se pose, quand est-ce qu'on révise, etc., etc. Révisez. Ce manuel qu'on a là, c'est une base. Ne pensez pas qu'on a pris tous les fondements de Sunna wal Jama'a. Et même certains fondements qu'on a abordés, j'ai fait exprès de ne pas trop les détailler, parce qu'on peut aller encore plus profondément. Et petit à petit, on va rajouter. On va rajouter du bagage. On va rajouter du bagage. On va rajouter du bagage. Incha'Allah ta'ala. Mais ça, c'est à condition que vous révisez. Parce que si vous ne révisez pas, lorsqu'on va vouloir augmenter le niveau, il faudra en fait tout recommencer. Et tout réexpliquer. Là, vous avez vu, il y a des groupes Jahmiya, Mu'tazila, etc. Si vous commencez à vous mélanger, on va reprendre, on va dire, attendez, d'abord, avant de rajouter ça, il faut déjà bien comprendre la base. Là. D'accord ? Et donc, c'est important, mes frères, mes sœurs, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous une science profitable et qu'il nous permette de profiter de ce que nous avons vécu durant ces quelques jours. Et il est important donc de continuer à invoquer qu'Allah Azza wa Jal nous augmente en science. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.